La reine Marguerite. Julien relut ses lettres. Quand la cloche du dîner se fit entendre, « Combien je dois avoir été ridicule aux yeux de cette poupée parisienne !» se dit-il. « Pourquoi aussi venir m'interroger sur des choses intimes ?» En arrivant dans la salle à manger, Julien fut distrait de son humeur par le grand deuil de Mademoiselle de La Mole, qui le frappa d'autant plus qu'aucune autre personne de la famille n'était en noir. Par bonheur, l'académicien qui savait le latin était de ce dîner. « Voilà l'homme qui se moquera le moins de moi, » se dit Julien, « si, comme je le présume, ma question sur le deuil de Mademoiselle de La Mole est une gaucherie. »« Quoi ? Vous êtes de la maison ?» dit l'académicien en s'arrêtant tout court. « Et vous ne savez pas sa folie ? C'est aujourd'hui le 30 avril. » Et l'académicien s'arrêta en regardant Julien d'un air fin. Julien sourit de l'air le plus spirituel qu'il put. Quel rapport peut-il y avoir entre mener toute une maison, porter une robe noire et le 30 avril ? Se disait-il. Il faut que je sois encore plus gauche que je ne le pensais. Je vous avouerai, dit-il à l'académicien, et son œil continuait à interroger. Faisons un tour de jardin, dit l'académicien, entrevoyant avec ravissement l'occasion de faire une longue narration élégante. Quoi ? « Est-il possible que vous ne sachiez pas ce qui s'est passé le 30 avril 1574 ?»« Et où ?» dit Julien étonné. « En place de grève. » Julien était si étonné que ce mot ne le mit pas au fait. La curiosité, si en rapport avec son caractère, lui donnait ces yeux brillants qu'un narrateur aime tant à voir chez la personne qui l'écoute. L'académicien raconta longuement à Julien comme quoi, le 30 avril 1574, le plus joli garçon de son siècle, Boniface de La Mole, et Annibal de Coconasso, gentilhomme piémontais, son ami, avaient eu la tête tranchée en place de grève. La Mole était l'amant adoré de la reine Marguerite de Navarre, et remarquez, ajouta l'académicien, que Mademoiselle de La Mole s'appelle Mathilde Marguerite. C'est que la reine Marguerite de Navarre, cachée dans une maison de la place de Grève, osa faire demander au bourreau la tête de son amant. Et la nuit suivante, à minuit, elle prit cette tête dans sa voiture et alla l'enterrer elle-même dans une chapelle située au pied de la colline de Montmartre. « Est-il possible ?» s'écria Julien touché. « Mademoiselle Mathilde méprise son frère parce que, comme vous le voyez, il ne songe nullement à toute cette histoire ancienne. » Accoutumé au naturel parfait qui brillait dans toute la conduite de Madame de Rênal, Julien ne voyait qu'affectation dans toutes les femmes de Paris, et pour peu qu'il fût disposé à la tristesse, ne trouvait rien à leur dire. Mademoiselle de La Mole fit exception. Il commençait à ne plus prendre pour de la sécheresse de cœur le genre de beauté qui tient à la noblesse du maintien. Il eut de longues conversations avec Mademoiselle de La Mole, qui, quelquefois, après dîner, se promenait avec lui dans le jardin, le long des fenêtres ouvertes du salon. L'amour-propre de Julien était flatté. Une personne environnée de tant de respect, et qui, au dire de l'académicien, menait toute la maison, daignait lui parler d'un air qui pouvait presque ressembler à de l'amitié. « Je m'étais trompé, » pensa bientôt Julien. Je passe pour savant dans cette famille. Je m'en vais lire Brantôme, Daubigné, L'Étoile. Je pourrais contester quelques-unes des anecdotes dont me parle Mademoiselle de La Mole. Je veux sortir de ce rôle de confident passif. Peu à peu, ses conversations avec cette jeune fille, d'un maintien si imposant et en même temps si aisé, devinrent plus intéressantes. Quelquefois, elle avait avec lui un enthousiasme et une franchise qui formaient un contraste parfait avec sa manière d'être ordinaire, si altière et si froide. « Les guerres de la Ligue sont les temps héroïques de la France », lui disait-elle un jour avec des yeux étincelants de génie et d'enthousiasme. « Et Boniface de La Mole en fut le héros », lui dit-il. « Du moins, il fut aimé, comme peut-être il est doux de l'être. » Quelle femme actuellement vivante n'aurait horreur de toucher à la tête de son amant décapité ? Madame de La Mole appela sa fille. Julien, comme on voit, avait fait à mademoiselle de La Mole une demi-confidence sur son admiration pour Napoléon. « À quoi rêvez-vous là, monsieur ?» lui dit Mathilde, qui revenait en courant. Julien était las de se mépriser. Par orgueil, il dit franchement sa pensée. Il rougit beaucoup en parlant de sa pauvreté à une personne aussi riche. Il chercha à bien exprimer par son ton fier qu'il ne demandait rien. Jamais il n'avait semblé aussi joli à Mathilde. Elle lui trouva une expression de sensibilité et de franchise qui souvent lui manquait. Il venait de reconduire jusqu'à la porte du salon mademoiselle de La Mole, qui prétendait s'être fait mal aux pieds en courant avec son frère. « Elle s'est appuyée sur mon bras d'une façon bien singulière, » se disait Julien. « Suis-je un fat, ou serait-il vrai qu'elle a du goût pour moi ?» Julien cherchait à ne pas s'exagérer cette singulière amitié. Il la comparait lui-même à un commerce armé. Chaque jour, en se retrouvant, avant de reprendre le ton presque intime de la veille, on se demandait presque « Serons-nous aujourd'hui amis ou ennemis ?» Un jour, il l'interrompit brusquement. « Mademoiselle de La Mole a-t-elle quelque ordre à donner au secrétaire de son père ?» lui dit-il. « Il doit écouter ses ordres et les exécuter avec respect, mais du reste, il n'a pas un mot à lui adresser. Il n'est point payé pour lui communiquer ses pensées. » Cette manière d'être et les singuliers doutes qu'avait Julien firent disparaître l'ennui qu'il trouvait régulièrement dans ce salon magnifique. Il serait plaisant qu'elle m'aimât. Qu'elle m'aime ou non, continua Julien, j'ai pour confidente intime une fille d'esprit, devant laquelle je vois trembler toute la maison, et plus que tous les autres, le marquis de Croisenois. Il en est amoureux fou, il doit l'épouser. Que de lettres M. de La Mole m'a fait écrire aux deux notaires pour arranger le contrat. Mais non, ou je suis fou, ou elle me fait la cour. Plus je me montre froid et respectueux avec elle, plus elle me recherche. Les femmes de Paris savent-elles feindre à ce point? Que m'importe? J'ai l'apparence pour moi. Jouissons des apparences. Mon Dieu, qu'elle est belle! Dans les jours de méfiance, cette jeune fille se moque de moi, pensait Julien. Elle est d'accord avec son frère pour me mystifier. D'un autre côté, quand mademoiselle de La Mole fixe sur moi ses grands yeux bleus avec une certaine expression singulière, toujours le comte Norbert s'éloigne. Ceci m'est suspect. Ne devrait-il pas s'indigner de ce que sa sœur distingue un domestique de leur maison ? Eh bien, elle est jolie, continuait Julien avec des regards de tigre. Je l'aurai. Je m'en irai ensuite, et malheur à qui me troublera dans ma fuite. Cette idée devint l'unique affaire de Julien. Il ne pouvait plus penser à rien autre chose. Ses journées passaient comme des heures. À chaque instant, cherchant à s'occuper de quelque affaire sérieuse, sa pensée abandonnait tout, et il se réveillait un quart d'heure après, le cœur palpitant, la tête troublée, et rêvant à cette idée. « M'aime-t-elle ? »